Les participants au séminaire de l'Extrême-Orient de Russie sur les idées du Tutsi et le socialisme ont adressé le 11 mars une lettre au dirigeant suprême Kim Jong-un. Voici le résumé. Le président Kim Il-sung a créé les idées du Tutsi et le général Kim Jong-il les a développées. Ils ont créé la base solide pour édifier une société idéale vue de l'humanité progressiste du monde. Dans la société socialiste coréenne, le peuple s'unit autour du leader et le leader élabore les lignes et politiques basées sur la volonté et la demande du peuple et dirige les activités pour leur application, assurant ainsi au peuple le vrai bonheur. Les idées du Tutsi inspirent à l'humanité la conscience que le maître de son destin est soi-même et éclairent la voie de son développement indépendant. À l'avenir aussi, elles seront le guide qui conduit le monde entier et toute l'humanité. La République populaire démocratique de Corée est un eldorado de l'humanité qui aspire à la vie indépendante, paisible et heureuse et un modèle mondial. Nous sommes convaincus que sous la direction clairvoyante du maréchal Kim Jong-un, le peuple coréen défendra parfaitement à l'avenir aussi la souveraineté et la dignité du pays et édifiera à coup sûr une puissance socialiste réunifiée dans sa péninsule. Nous étudierons sur tous les plans les idées du Tutsi et les vulgariserons largement parmi les masses. En même temps, nous augmenterons les organisations d'études, ferons part de la réalité coréenne au peuple du monde et nous nous opposerons vigoureusement à l'offensive des forces impérialistes qui cherchent à étouffer l'indépendance des masses populaires.